creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Soy chamana, sanadora. El presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora. Vous écoutez bien le 89.5 FM, c'est Radio Dio, et comme tous les derniers lundis du mois, c'est joie, rage et courage. On vous avait promis une mission sur le dernier volet sur notre cycle sur l'agro-industrie. Et finalement, eh ben, ce ne sera pas ça, car la vie est pleine de surprises. Ha. Et donc au menu, une petite émission de brouillons, de morceaux, de samples, et un petit texte lu. Et tout ça pour nous amener jusqu'à 14h sur le 89.5 de Radio Dio. Allez, c'est parti. Je vais sortir dans mes souvenirs douloureux, sortir du cercle de fer mal, je ne veux pas prendre la peine, je vais sentir mal. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre! Premier morceau, c'était The Revengers avec Revanche. Et ça, c'est, on vient d'écouter Belle Époque avec la chanson La danse finie, les masques tombent. Le sample, c'est un sample, le sample de base d'une série télévisée qui s'appelle Le Prisonnier. Et d'ailleurs, on va écouter un autre extrait de cette série. Voilà. Et après, ce sera zone libre. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. We'll be right back. porte pas l'uniforme. Double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage, doux, sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de te procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu paies. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu pectes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau. Tout ce que tu pectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Oh, you love my love. à la fin à peu près. Tout s'arrange pas comme je le croyais. Voilà, ça c'était Sage comme des sauvages et avec la chanson Laila Como. Et voilà, on va enchaîner encore avec un nouveau sample du prisonnier. Eh bien, à quoi allons-nous jouer ? Oh, je joue toujours carte sur table. Vous pouvez me faire confiance. Sa proposition de loi n'est pas encore déposée, mais il assure qu'elle le sera cette semaine. Pour François de Rugy, rendre le vote obligatoire est un impératif face à l'abstention lors des scrutins nationaux ou locaux. On reste les bras ballants à constater cet état de fait, qui en effet est inquiétant, puisque élection après élection, le taux d'abstention augmente. La République, c'est des droits et des devoirs, quelques devoirs. Parmi ceux-là, la participation au vote devrait en faire partie. Il souhaite une amende pour ceux qui n'iraient pas voter, 22 à 35 euros, comme pour le mauvais stationnement. Cela se fait dans d'autres pays, en Belgique notamment. Et en France, de nombreux politiciens de droite et de gauche ont réclamé une obligation de vote. Laurent Fabius, Dominique de Villepin, Martine Aubry, Florian Philippot. 150 députés socialistes, dont Manuel Valls à l'époque, avaient même co-présenté en 2003 une proposition de loi similaire. Mais pour l'instant, la proposition de François de Rugy suscite surtout la méfiance à gauche comme à droite. Moi j'en ai plein que super ce putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans des trois rats comme des merdes. Loin des miradors du droit pénal, loin des barbelés, des chiens de garde du devoir civique, loin de la soumission éclate la rébellion, car dans ce brouillard, il y en a qui en ont marre. Il n'y a pas de fatalité, tout peut changer, grève, blocage, sabotage, désertion, insurrection, mutinerie, pour que crève la démocratie. Un quartier s'embrase, une grève se propage, des gueules s'ouvrent à grands coups de pavé, hurle, révolte et rage. Marre de se la fermer avec au bide la peur, marre d'être éduqué, exploité, oppressé, humilié, vidé d'avoir trimé. Marre d'entendre crier le patron garde à vue, de l'enrichir en fabriquant des merdes et comme seule consolation consommer ces mêmes merdes. Marre de croire à l'exploitation comme seule option et comme seule forme d'expression un putain de bulletin de vote. Ces bourreaux et instruments à élire, choisir dans cette classe de racketteurs qui se goinfrent de la sueur des travailleurs, des accidents techniques et arrêts du cœur, alors l'urne attrape rêve, la bousiller, pour ne pas survivre en crevant ou crever en survivant. La citoyenneté, rien à péter. Que crèvent les illusions démocratiques, des vitrines de permanence électorale tombent, d'autres s'enflamment, des serrures de bureaux de vote se bloquent, des bulletins de vote s'envolent, un réseau télé ne pollue plus. Certains se font arrêter, emprisonner ou attendre leur procès. Une compilation en solidarité avec les révoltés, avec ceux qui refusent de purger leur vie d'un sommeil sans rêve, alors que tout s'effondre, se nourrir de nos désespoirs pour que naisse l'espoir, et que l'organisation collective infecte ce monde sans amélioration ni démocratisation ni autogestion. Changer les rapports, être enfin maître de nos vies dans un monde sans classe ni gradé, dans un monde sans usine ni prison, sans argent ni valeur, sans état ni république, sans patron ni flic. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with Kung Fu Fighting avec le morceau d'avant, c'était un morceau d'une compile classe contre classe en soutien à des personnes qui avaient été incarcérées suite à des mouvements anticarcéraux il y a quelques années. Voilà. Il est temps de vous lire un petit texte qui a été trouvé sur internet. Un texte suite à une action sur Paris lors d'une journée nationale de la prison. Voilà. La prison n'est pas à penser, pas à améliorer, pas à remplacer, mais à détruire. On se trouve aujourd'hui dans le cadre des Journées nationales de la prison, une semaine organisée entre autres par les principales institutions qui travaillent dans les cages de l'État, toutes ces organisations qui travaillent côte à côte avec les autorités et qui sont connues pour leur engagement humanitaire, qui nous parlent de solidarité et de soutien des exclus, des oubliés, des marginaux. Plein de belles intentions. Apparemment, parmi ces institutions, on trouve par exemple la Croix-Rouge française, toujours à côté de l'État, de l'armée, toujours présente quand il s'agit de gérer la population, comme par exemple dans les zones d'attente, c'est-à-dire les prisons où l'État enferme des étrangers et des étrangères à qui l'entrée sur le territoire français est refusée. La Croix-Rouge y est intervenue depuis 2003 en tant qu'auxiliaire de la police chargée de s'occuper des aspects médicaux et de co-gérer la détention des personnes. La Croix-Rouge participe également à l'organisation de vols où l'on déporte des sans-papiers et elle a même accepté à Amiens en 2004 de prêter ses locaux pour qu'ils deviennent des LRA, locaux de rétention administrative. En gros, c'est des petits centres de rétention et temporaires. Suite à une rafle d'une douzaine de sans-papiers roumains, il en va de même pour la CIMAD, association militante depuis 1939, que depuis le début des années 1980 mène une mission d'accompagnement des étrangers dans les centres de rétention administrative. En prenant en charge les accompagnements des étrangers dans les centres de rétention. Voilà. En prenant en charge les dossiers des retenus dans les CRA, elle effectue des tâches dont l'État a tenu à se débarrasser dès le début. Elle fait directement le travail d'un service administratif, triant les bons et les mauvais dossiers. Tandis que l'État n'a plus qu'à gérer la surveillance des CRA. D'ailleurs, travailler avec la prison pour améliorer la prison, ce sont les objectifs explicites de ce groupe de concertation de prison et d'une organisation comme la FARAPEJ qui propose une transformation profonde de la vie en prison et déclare vouloir améliorer le fonctionnement de la justice. Que ce soit clair pour tout le monde, le problème pour toutes ces institutions n'est pas du tout l'existence d'un système fondé sur l'exploitation capitaliste, les frontières, la domination étatique à travers les uniformes, l'imposition brutale de l'autorité sur la vie des individus, la répression de celles et ceux qui ne marchent pas dans le droit chemin ou qui se rebellent dans l'ordre, contre l'ordre. Non, au contraire, ces institutions prétendument humanitaires ou militantes collaborent à la gestion de l'ordre et sont indispensables à son fonctionnement. Y compris quand elle nous parle d'abolition de prison, elle propose des systèmes alternatifs de punition et contrôle, comme l'usage du bracelet électronique ou la réinsertion à travers le travail. Elle participe ainsi, au même titre que les flics, au fonctionnement et au contrôle d'une société dont les impératifs sont « travail, respecte la loi, respecte l'autorité de la famille, du patron et du flic ». Évidemment, nous savons que parmi vous, parmi les gens qui s'intéressent et suivent le cours de ces événements, il y en a qui sont réellement dégoûtés par l'enfermement des êtres humains. Et peut-être même certains qui détestent ce monde de frics, de flics, de barreaux et de barbelés. Et néanmoins, ici, devant nous, on a l'honneur d'avoir une crapule comme Patrice Bordaret, directeur du centre de détention de Villeneuve-la-Grande. Pour nous, un directeur de prison, autant que ses serviteurs matons, ne mérite autre chose que mépris et haine. Parce que ce sont bien eux les responsables directs des centaines de suicides dans notre prison, des tabassages, de l'isolement, de la douleur, des vies détruites, de milliers d'hommes et de femmes enfermés dans les cages de l'État. Je rajouterai même des familles. Nous sommes pour la destruction de la prison et nous sommes solidaires des révoltés. En prison comme dehors, pas seulement parce que nous sommes contre l'horreur de l'enfermement, mais parce que nous croyons que la prison comme le travail est l'un des piliers qui régit un monde structurellement fondé sur la domination, la violence et l'exclusion. Nous sommes pour la destruction de la prison, mais aussi des tribunaux, de l'armée et de la police. Parce que nous portons un monde dans nos cœurs, un monde d'êtres libres, un monde organisé de manière horizontale et fondé sur l'entraide. Notre liberté n'est pas à mesurer, à contrôler. Elle ne rentre pas dans des articles de loi du si nommé droit, qui est toujours décidé et géré par celui qui a le pouvoir. Et s'il est vrai que nous sommes des rêveurs, ce n'est pas pour ça que nous attendrons le jour d'une hypothétique révolution pour combattre l'autorité, ses cages, ses sbires et son éducation. Vive la révolte, vive les mutineries, vive les évasions. Alors ce texte a été diffusé et lu, je crois, lors d'un événement rentrant dans le cadre des journées nationales de la prison sur Paris. Ces journées, il y en a un peu partout qui se déroulent sur le territoire, notamment du côté de Saint-Étienne. En tout cas, il fait écho à des choses qui se sont passées récemment dans le coin, notamment un rassemblement samedi dernier dans l'après-midi sur la place du Peuple avec une jolie banderole « Abat toutes les prisons » et des prises de parole, etc. Et parmi ces prises de parole, il a été lu un texte écrit par des prisonniers à Arles, à la centrale d'Arles en 2001, et qui a été sorti clandestinement. C'était une qui a été sorti sous forme de vidéo, une espèce de vidéo tract, et qu'on va vous diffuser dans le petit quart d'heure qui arrive, après un petit sample, et puis après un morceau de La Fraction. Voilà, c'est parti. Je ne suis pas un numéro, je suis un être humain. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Vous tous, tant que vous êtes, avez eu des positions privilégiées. Et vous avez acquis des connaissances d'une valeur incalculable pour un ennemi. Comme moi, vous avez été amené ici pour que ces connaissances soient protégées ou extirpées. Au contraire de moi, beaucoup d'entre vous ont accepté leur sort de prisonniers à perpétuité. Et ils mourront ici comme de pauvres minables. Les autres se sont empressés de passer dans le camp de nos gardiens. Comment vous différencier? Combien y en a-t-il dans chaque catégorie à laquelle appartient votre voisin? J'ai l'intention de découvrir qui sont les prisonniers et qui sont les gardiens. La force de ces silences qu'aucun de nous ne brille. Avant de lire le communiqué qui suit, il nous faut préciser que si nous nous présentons à vous en cagoulé, c'est pour éviter la personnalisation de l'action en cours. Nous ne sommes que des détenus longue peine parmi d'autres. Le message que nous portons est celui de milliers d'hommes et de femmes sans voix, enfermés dans les prisons de France. Par ailleurs, nous tenons à indiquer que c'est pour des raisons de sécurité que nous portons des cagoules. Inutile de préciser que les autorités pénitentiaires n'apprécieront pas notre initiative, que la répression qui s'abattra suite à la diffusion publique de ce document sera importante. Les mesures de sécurité que nous avons prises risquent d'ailleurs de ne pas nous épargner les sanctions. C'est pourquoi nous demandons par avance aux associations et citoyens soucieux de la défense des droits de l'homme de veiller sur la centrale d'Arles dans les jours et semaines à venir. Cela évitera que ne se produisent des violences et des abus divers commis par les tenants de la répression. Bien évidemment, si le monde carcéral n'était pas ce lieu de non-droit où le droit d'expression, d'association, était interdit aux détenus, nous n'aurions pas été obligés de mener pareille action. C'est la nature antidémocratique de la prison qui nous amène à agir de la sorte. Enfin, nous tenons ici à préciser que le matériel utilisé pour effectuer ce reportage a été pris sans le consentement de quiconque. Pour être plus précis, nous avons détourné le matériel en question sans que le détenu en charge de l'atelier vidéo de la maison centrale ne le sache. L'année 2000 aura été, entre autres, l'année de la révélation au grand public de l'horreur carcérale en France. Une honte pour la République, a-t-il été dit par beaucoup. Nombre de problèmes ont été soulevés, dénoncés. Des parlementaires à l'Église, en passant par diverses associations, tous ont eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet dans une certaine unanimité. Nous en prenons acte. Mais comme toujours, la parole n'a pas été accordée aux principaux intéressés, à ceux et celles pour qui le quotidien est l'infamie carcérale, c'est-à-dire les détenus eux-mêmes. La parole ne nous est pas donnée, jamais. C'est pour nous, c'est pourquoi nous avons décidé de la prendre ici et maintenant. C'est particulièrement au nom des détenus longue peine que nous nous exprimons, nous les laissés pour compte, ceux pour qui l'horizon n'est pas que désespoir et haine, n'est que désespoir et haine. Nous sommes là, face à vous, pour exiger que nous soient appliquées des mesures justes, équitables et qui permettent de croire que nous n'avons pas été condamnés à la mort lente, à des peines qui ne sont qu'un substitut à la peine de mort. Nous sommes là pour dire haut et fort que nul n'a intérêt à ce que nous nous transformions en bombes humaines, car viendra le jour où nous serons libérés, où nous réintégrerons le corps social. Qu'en sera-t-il si des années durant, le système carcéral nous meurtrit, nous avilit, nous blesse jusqu'au plus profond de notre être? Il est temps que cette réalité cesse. Il est grandement temps que cette prison mangeuse d'hommes soit l'objet d'une révolution culturelle qui lui permettent d'entrer dans le troisième millénaire de façon plus digne. Fort de notre expérience, au nom du respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de la personne humaine, nous exigeons que le gouvernement français prenne les mesures suivantes. Premièrement, refonte de l'échelle des peines et alignement sur les pays aux conceptions pénales et moins répressives. En clair, nous revendiquons l'abolition des longues peines. La fin des cumuls de peines qui font que des hommes et femmes aient des décennies de prison à purger, mais également abolition de l'insupportable peine de perpétuité. Il est reconnu par tous les spécialistes en la matière que, passé un certain temps, la durée de la peine n'a plus aucun sens, qu'elle n'est qu'acharnement, vengeance et destruction de l'individu. L'an 2001 verra commémorer le 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Voici l'occasion d'en finir avec les longues peines qui ne sont rien d'autre qu'un substitut de la peine de mort. Deuxièmement, libération immédiate de tous les détenus atteints de maladies incurables. Mourir en prison est le sort le plus infâme que puisse vivre un être humain. Nous demandons que soit respecté le droit à mourir dignement parmi les siens, hors du contexte carcéral. Troisièmement, abolition des quartiers d'isolement et des mitards. C'est la fermeture pure et simple de ces outils ultra-répressifs que nous exigeons. Ces lieux où bien trop souvent le droit est celui du plus fort, où le fonctionnaire devient bourreau, les morts suspectes trop nombreuses, il faut en finir. Voilà pour les mesures à prendre qui tiennent de l'urgence. Car chaque jour qui passe est un jour que nous vivons comme une vengeance sociale qui nous serait appliquée et non pas comme une mesure de justice. Et la réalité carcérale présente est composée de bien d'autres mesures que nous tenons à dénoncer et voir changer dans les délais les plus brefs. Il s'agit par exemple de l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles, d'avoir des enfants, ou tout simplement d'avoir le droit à la tendresse. Autant d'éléments qui sont constitutifs des droits élémentaires de la personne humaine. Le projet extrêmement limité des unités de vie familiale, qui toucherait 3 établissements sur les 187 actuels, est une insulte qui nous est faite. Sachant que nombre de pays ont déjà doté leurs établissements pénitentiaires de lieux de rencontres spécifiques pour les rapports intimes, pourquoi la France ne se lance pas dans Paris Projet qu'à titre expérimental et donc limité? Combien de décennies nous faudra-t-il encore attendre pour que ces droits élémentaires nous soient reconnus? Combien de familles, de couples, devront-ils se disloquer encore avant que les décideurs politiques et autres fonctionnaires agissent de façon responsable ou tout simplement humaine? Autre souci majeur, la transformation des maisons centrales en annexes d'asile psychiatrique. De plus en plus de détenus n'ont rien à faire en prison. Leur état psychologique est incompatible avec la prison. Nous demandons qu'ils soient soignés dans des lieux adaptés. Nous tenons également à dénoncer le scandale des usages de produits substitution dans le monde carcéral. Bien trop souvent, la tranquillité en détention a pour prix le maintien de détenus en état de dépendance à des drogues de substitution. Certains détenus se transforment même durant leur détention en drogués, alors qu'ils ne l'étaient pas lors de leur incarcération. Que penser d'une institution qui maintient et encourage des hommes et des femmes à la toxicomanie avec les deniers de la nation? Nous exigeons également que l'on en finisse avec les mesures de censure, la violation permanente de notre courrier, de nos rencontres avec nos proches, nos familles, n'ont qu'un objectif, nous imposer une autocensure qui aboutit à l'aliénation de la pensée et l'anesthésie des sentiments, mais également à terme à la disparition des liens familiaux. À qui fera-t-on croire que l'on veut nous réinsérer, alors que l'administration pénitentiaire n'a de cesse que de nous couper de la famille, en nous incarcérant à des centaines de kilomètres du lieu d'habitation de nos proches, et que tout le fonctionnement de l'institution ne mène qu'à l'infantilisation et à la déresponsabilisation du détenu? Dans la rubrique des réalités scandaleuses, comment ne pas évoquer le travail pénal? Pourquoi le droit du travail n'est-il pas appliqué aux personnes détenues? Pourquoi le patronat français trouve-t-il parfois plus d'intérêt à donner du travail aux prisons françaises plutôt que de délocaliser vers un pays du tiers-monde? La réponse est simple. Parce que le détenu est corvéable à merci et que les conditions offertes par l'administration pénitentiaire sont celles dont rêvent tous les esclavagistes modernes. Est-ce dans de telles conditions que l'on voudrait nous inciter à nous réinsérer dans la société par le travail? Et que dire de ces salaires misérables qui ne nous permettent pas de rembourser décemment les dites parties civiles? Les décisions de justice en la matière sont sacrifiées sur l'autel du profit. Autre motif d'exaspération, le désintérêt que porte l'administration pénitentiaire à la culture, à l'art, à ses aliments de l'esprit et des sens. Comment peut-on se construire ou se reconstruire si nous est niée cette part vitale de notre être, notre pouvoir de création, notre sensibilité, si la culture et l'art ne nous sont pas accessibles? Nous tenons à dénoncer ici, avec force, l'activité nocive d'une majorité extrêmement agissante du personnel surveillant pour qui le détenu est l'ennemi à abattre. Ces fonctionnaires, refusant de respecter l'esprit des lois, voire même souvent leur simple application, représentent un danger permanent pour l'institution en général, mais plus prosaïquement pour la population pénale et pour leurs propres collègues. Il est temps que ces gens soient neutralisés par ceux dont la mission est la mise en application des textes et le suivi du bon fonctionnement des établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous tenons à attirer l'attention sur la mise en application de la nouvelle loi dite la présomption d'innocence. Nous craignons que là encore, le corps des magistrats chargés de l'application des peines ne continue dans sa grosse majorité à appliquer les textes de façon on ne peut plus restrictive. Voilà des années que la politique menée en matière d'application des peines est un désastre. Il faut que cela cesse. Il faut que cesse l'acharnement dont les longues peines sont victimes de la part du secteur ultra-répressif de la magistrature française. Nous refusons d'être plus longtemps les victimes de ces bourreaux assermentés. Pour conclure cette liste non exhaustive, Nous souhaitons dire combien il nous semble nécessaire, vital, que les autorités pénitentiaires s'attachent à remplir leur mission d'aide à la réinsertion des détenus. Force est de constater que nous, détenus des maisons centrales de France, ne bénéficions pas de mesures allant en ce sens. Manifestement, la volonté politique n'existe pas et les moyens mis en place sont quasiment inexistants. Il nous paraît clair que l'on nous sacrifie, que l'on nous destine à la récidive systématique. Nous refusons de servir de matière première à la politique sécuritaire de l'État. Bien évidemment, nous saluons tous nos camarades qui se trouvent présentement en mur et vivant dans les quartiers d'isolement, ainsi que ceux et celles qui subissent l'insupportable sanction du mitard. Force, courage et détermination à tous et toutes. Un salut empreint de solidarité également pour tous les détenus se trouvant en maison d'arrêt. Les détestables conditions de vie en maison d'arrêt sont aujourd'hui connues de tous. Les changements s'imposent et vite. Enfin, nous souhaitons adresser un message à tous les jeunes des cités, à tous les enfants du prolétariat et du sous-prolétariat, à tous ceux et celles appartenant à la classe des sacrifiés du système. Hier, vos parents et vos grands-parents, nos parents et grands-parents étaient transformés en chair en canon, envoyés au front pour y crever en défendant des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Aujourd'hui, c'est le destin de chair à prison qui nous est offert. Refusez cette tragédie, refusez cette logique, prenez conscience de tout cela avant qu'il ne soit trop tard, car les portes des prisons se referment de plus en plus sur vous et de plus en plus longtemps. Alors que les véritables délinquants, ceux qui vivent sur le dos de la misère, de notre misère, de toute leur arrogance, se goinfrent en rigolant des malheurs, de nos malheurs, de nos vies sacrifiées. Voilà un son qui date du coup de maintenant 17 ans et qui est encore toujours d'actualité sur la question des longues peines. Même si bien évidemment il y a toujours des choses à discuter et à réfléchir collectivement, etc. Ce texte il a le mérite déjà de faire parler que ce soit les prisonniers eux-mêmes qui parlent de leur situation et de leurs revendications et aussi de ce qu'ils vivent. Ils mettent le point sur des choses qui sont tellement vraies et tellement justes qu'elles le sont encore aujourd'hui, notamment la question des longues peines. Voilà, rappelons que sur Radio Dio 89.5, tous les jeudis, il y a l'émission, un jeudi sur deux, il y a l'émission Papillon, en alternance du coup avec l'émission La Petite Cuillère, une émission anticarcérale. Enfin, les deux émissions sont des émissions anticarcérales. La Petite Cuillère étant une émission lyonnaise de la grande sœur, grande cousine, Radio Canu. Voilà. Et ben, dernier petit morceau pour la route avec bien évidemment un sample. Tu viens pas voir les camarades? Petit gars, je voudrais que tu dises à tous les camarades, ce qui se perd en contestation partielle rejoint la fonction répressive du vieux monde, t'oublieras pas? Il faudrait aussi une insurrection dans les pays capitalistes. Tous les pouvoirs se renforcent. Il faut donc détruire tous les pouvoirs, hein? Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Et voilà, c'est ainsi que nous arrêtons cette émission de Joie, Rage et Courage du mois de novembre. Une émission brouillonne, mais néanmoins, on espère que ça vous a foutu la pêche et l'énergie pour affronter les premiers assauts de l'hiver. Vous pourrez retrouver les samples, les textes, la playlist et tout sur le blog joie, rage et courage.noblogs.org. On le mettra à jour, il n'est pas très à jour, mais on le mettra à jour dans les jours qui viennent. Et puis on se retrouve fin décembre, le 25 il me semble, pour vous parler la fin de notre cycle sur l'agro-industrie. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre boîte mail clap@riseup.net riseup.net. Voilà, et sinon restez à l'écoute de Radio Dio et n'hésitez pas à aller voir sur le site et tout ça, et il y a plein de nouvelles émissions et la nouvelle grille des programmes est sortie. Allez, à la prochaine, et en attendant, ne soyez pas trop sages. Me bagarrer.